Vous savez ce qui est le plus effrayant ? D'ignorer quelle est sa place dans ce monde. D'ignorer pourquoi on est ici. C'est... un sentiment effroyable. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'avais presque perdu espoir. Je me suis interrogé tellement de fois sur moi-même. Les pieds dans le hall, tu vois tes espoirs s'éteindre. Attends que tes potes sortent de prison tout en priant de ne pas les rejoindre. À la vingtaine d'années passées, tes rêves sont partis. Penser à l'avenir te fait peur et 8-6 t'oublie. Mais ne fais pas l'égoïste, pense à ceux qui t'ont mis au monde. Au-delà de leur crise et leur silence qui en dit long et à la longue. L'enfant que t'étais meurt, ta première GAV en est la preuve. Premier choix en est la preuve. La vie est une perpétuelle épreuve. Essaye de voir un peu plus loin que le bout de ta poche. Le monde est beau, regarde ça. C'est ce qu'on en fait qui le ramoche. Y'a trop de shit, trop d'alcool, trop de magouilles, trop de drogue, trop de cerf. Paye pas d'argent dans le portefeuille, ouais ma gueule. Et les vrais héros n'ont pas de cap dans le dos, mais une famille à élever et à payer trop d'impôts. Y'a pas plus aveugle que celui qui veut rien voir. Bois mon album, je t'apporte une gorgée d'espoir. T'attends quoi de moi? Que je te ravive la mémoire. Je suis là pour narrer l'histoire des gosses des trottoirs. La vérité te saoule, avec moi tu finiras d'être ma vibe sincère. Et de ça, mon cœur je me sers. Nul stylo est en panne, ainsi que mon crâne. Faut que je me libère de ces pensées sorties. T'as perdu 2-3 potes et pour toi dehors c'est si vide. Pas la roue qui tourne, c'est Dieu qui te fait payer tes actes. La poisse, j'assouette à personne. Mais si tu la cherches toi-même, que veux-tu que je te dise? Dans la rue, je suis qu'un petit frère, possédant des rimes pour s'exprimer. Je veux des thunes, mais sans supprimer ma personnalité. Dommage que dans ce taf, ce soit une banalité. Je ne sais plus fier sans rien posséder. Comme SD, si on se fera toujours tester. Tel est le but de nos vies.